Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Oyana Etchar, qui va nous parler d'un club particulier qu'elle vient de mettre en place. Elle va nous donner absolument tous les détails et ça concerne les femmes. Alors, amis auditrices, écoutez bien. Bonjour Oyana. Bonjour. Alors, je lance un club pour les femmes qui souhaitent entreprendre leur vie, pas seulement pour les femmes qui sont déjà entrepreneurs, de manière à créer un lien, se sentir entourée, se soutenir, peut-être être guidée aussi par celles qui ont déjà entrepris. Oui. Quels que soient les business, finalement, je pense qu'on peut toutes s'entraider. Se soutenir plutôt que chacune rester dans son coin, travailler peut-être des fois même seule. C'est pourquoi j'ai voulu créer ce club de femmes avec un rendez-vous physique par mois, un rendez-vous en ligne en masterclass où on pourra échanger aussi avec des invités où je poserai des questions, oui. Où il y aura un moment de questionnement aussi à la fin. Et puis j'espère d'autres offres qui vont venir par la suite pour ce club. C'est un club où je ne me limite pas aussi. Si j'ai d'autres idées, où je peux faire évoluer le projet, ce serait avec plaisir, même si d'autres femmes du club sont volontaires. D'accord. Donc c'est destiné à rassembler des femmes de tous horizons qui ont juste envie, entre guillemets, de bouger, d'avancer. J'ai cru lire sur ton compte Insta que c'était un club de femmes aussi qui avait de l'ambition. C'est ça. Ouais, alors, qui ont de l'ambition, c'est vrai que j'ai hésité à mettre ce terme parce que certaines femmes qui ont beaucoup d'ambition, je vois qu'ils sont vachement dynamiques, qui n'ont pas peur d'entreprendre des projets... même des fois grands, et pour autant ne se sentent pas ambitieuses. Oui. Et, donc j'ai hésité à le mettre, mais je pense que j'ai quand même voulu le laisser parce que je veux montrer ce côté-là où des fois les femmes ont peur d'entreprendre, au moins cette aisance d'être, voilà, de se sentir légitime aussi. Mais j'ai voulu le laisser pour justement refléter tout ce qu'on peut apporter avec ce club et toute cette force et cette dynamique. Est-ce qu'on pourrait qualifier ce club de booster de motivation? Est-ce que c'est approprié? Est-ce que je dis des bêtises? Oui, hein, complètement. Ouais, c'est ça. Hein, donc, c'est ça, complètement. Ouais. C'est pas uniquement un club de personnes qui sont... C'est pas uniquement business. Quoi. Voilà, c'est, non, voilà. C'est pas juste business. Alors, bien que forcément, pour celles qui sont déjà entrepreneurs, qui vont adhérer au club, oui. Donc on va beaucoup parler business, bien sûr, mais je souhaite aussi apporter ce côté bien-être, parce que des fois, quand on est entrepreneur, on a tendance à s'oublier, à vraiment être à fond dans ses projets, et peut-être des fois laisser de côté le soin de soi, le prendre soin de soi, prendre du temps pour faire du sport, pour prendre un temps de soin... pour juste voilà, vraiment se programmer des temps où on prend soin de soi pour bénéficier ensuite pour son business dans tous les cas. Oui, voilà, c'est ce côté-là, on va dire, il peut y avoir une partie, un volet entrepreneurial à proprement parler, mais c'est aussi accompagné par le bien-être des femmes, puisque c'est réservé aux femmes, pour qu'elles se sentent bien dans la vie, dans leur corps, voilà, de manière générale. On a reçu pas mal de personnes ici au micro qui sont dans le bien-être, et voilà, tout ça relie un peu toutes ces facettes-là. Complètement. Et puis c'est vrai que moi, j'ai travaillé pendant 7 ans dans le bien-être, j'ai eu mon entreprise. Voilà, donc alors dis-nous en plus. Je suis effectivement sensible au prendre soin de soi. Alors moi, pendant 7 ans, j'ai eu un institut de beauté qui s'appelait Lunaterra, du côté du Pays Basque intérieur à Ustaritz. Oui. Et je crois que toute ma vie, j'ai ce côté vouloir prendre soin de la femme. J'ai ce côté aussi à vouloir apporter du bien-être. Oui. Et ces années où j'ai entrepris, finalement, c'est vrai que moi aussi, pour le coup, je me suis sentie... peut-être des fois assez seule, et j'aurais voulu adhérer à un réseau comme celui que je crée, bien qu'il y en ait déjà plein des réseaux qui sont super. Moi, je voulais avoir ce côté différenciant avec le bien-être, où de temps en temps, j'aimerais au moins 3 fois dans l'année avoir des programmes bien-être, où on est peut-être une demi-journée ou une journée autour du bien-être pour les femmes du club. D'accord. Et donc, tu as exercé cette activité pendant 7 ans. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Alors, c'est vrai que quand j'ai entrepris, j'avais 23 ans. Aye. Et à 23 ans, je pense qu'on n'est pas la même personne qu'à 30. Je te le confirme. Voilà. Et pour le coup, avec du recul, j'observe quand même que je ne me connaissais pas vraiment, que j'ai eu quand même toujours ce côté, cette dynamique de vouloir entreprendre et d'y aller, de foncer. Ça peut être une qualité des fois, mais des fois, ça peut être aussi un défaut, parce que pour le coup, je n'ai pas pris le temps d'analyser mes besoins, mes envies, ce que je voulais vraiment refléter. Je crois aussi que j'ai toujours voulu tellement aller de l'avant que peut-être des fois je me suis brûlé les ailes j'ai été peut-être un peu trop vite. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup de choses que je trouve super, mais j'ai fait aussi des erreurs qui me font aujourd'hui grandir, qui m'ont fait aussi faire un gros travail de connaissance de moi-même et où j'observe que tout simplement ce n'était plus du tout en adéquation avec ce que j'avais envie dans ma vie. Oui, de toute façon, voilà, c'est l'expérience et le résultat des bêtises, hein, pour rester poli. C'était sept superbes années, mais aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose. Exactement. Et quelque chose, en fait, auquel tu aspirais et que tu n'as pas réussi à trouver, donc tu l'as créé. C'est ça. Donc c'est ça qui est bien. Exactement. Ouais. Et tout simplement, j'avais envie de créer quelque chose à mon image. Je voyais aussi qu'autour de moi, certaines femmes en auraient envie et besoin de ce qu'elles me donnaient comme retour. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu me consacrer à tout ça. Bien que là, du coup, après avoir vendu mon entreprise, je me consacre à une année où je me forme dans le marketing digital. D'accord. Qui, de toute façon, quoi que j'entreprenne dans ma vie, me servira. C'est clair. Voilà, donc suite à ça, je le mets directement en place dès ce mois d'avril pour lancer ce club. Et puis, on verra ce qu'il en découle. Oui, en tout cas, tu as la passion, tu as l'envie, tu as l'énergie. Donc, il y a plein de bonne volonté. Donc, a priori, ça devrait faire écho chez pas mal de personnes. Exactement. Alors, tu te prénommes Oyana, tu t'appelles HR. On a bien compris que tu étais du coin. On est sur Radio Côte Basque, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que ton club est exclusivement réservé aux personnes de la région ou des personnes qui habitent ailleurs, parce qu'elles peuvent avoir aussi ces envies, est-ce qu'elles peuvent avoir accès à ton nouveau club? Alors, en effet, l'accès est possible pour les personnes du Pays Basque parce qu'il y a des événements physiques. Oui. Mais si une personne souhaite quand même adhérer parce que de temps en temps, peut-être 6 mois dans l'année, elle est au Pays Basque parce qu'elle est nomade, elle peut tout à fait adhérer aussi. D'accord. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est un club que je souhaite privé dans le sens où on adhère à l'année. Ce qui nous donne l'accès à notre réseau, ce qui nous donne l'accès aux événements, etc. Ouais. Et ensuite, il y aura quand même des passes découvertes selon les places disponibles de temps en temps, surtout au début. Mais j'espère que très vite, étant donné qu'on sera un club d'une dizaine, voire 20 personnes maximum, y aura moins d'accès libre. Oui, pour c'est les clair, événements. Au fur et à mesure, voilà, mais après, effectivement, si on est du Pays Basque, toutes les femmes sont la bienvenue, qu'elles aient un business ou qu'elles souhaitent entreprendre. Et après, si elles ne sont pas du Pays Basque, il faut au moins être là 6 mois, je dirais, pour pouvoir bénéficier des événements. Oui, voilà, ou des personnes, comme tu disais, qui sont nomades, mais qui viennent, je dirais, à Bordeaux, c'est qu'à 1h30, il y en a souvent qui font l'aller-retour, qui sont là régulièrement, quoi. Exactement. Et pas que. Concernant le club, tu as quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on aborde ta deuxième facette, mais dis-moi si sur le club tu as des précisions. Alors, je souhaite, effectivement, pour suivre ce club, ça s'appelle les Femmes Ambitieuses. Oui. Femmes Ambitieuses, d'ailleurs, sans les... sur Instagram, on peut nous retrouver sur ce biais-là et comme ça suivre le club quand il y aura le lancement, puisque ça va être au mois d'avril, j'ai pas encore la date, mais très prochainement je l'aurai. Et puis ensuite, pour me suivre à moi, c'est sur Oyana Etchar sur Instagram ou LinkedIn. Voilà, c'est là où je t'ai trouvé d'ailleurs. Voilà. Bon, ok, parfait, c'est bien noté. De toute façon, on le remettra dans le commentaire du podcast et sur les publications qui seront faites. Tu as une deuxième facette qui peut être complémentaire, mais dont tu souhaitais nous parler. Et ça tombe bien, puisque on est à la radio, donc ça s'y rejoint un petit peu quand même. Complètement, c'est vrai. Donc j'ai lancé un podcast, toujours autour de la dynamique des femmes, où je souhaite donner la parole à des femmes qui entreprennent leur vie. Mm-hmm. Le podcast s'appelle « Entreprendre sa vie », est disponible sur toutes les plateformes de podcast, d'écoute. Donc je l'ai lancé la semaine dernière, donc c'est tout récent, avec Julie Rouault, qui est passé aussi ici. Qu'on a accueilli il y a très peu de temps ici et qui a illuminé les studios de sa voix magique et sa raison d'encore. Et donc, qui est sorti mardi dernier. Donc, c'est un podcast que je lance tous les mardis matins dès 7h. Oui. Donc, le prochain va arriver la semaine prochaine, puisque c'est tous les 15 jours. Très prochainement, j'aimerais aussi... Donc, tous les 15 jours, c'est avec une invitée. Oui. Et très prochainement, dès que j'en aurai plus de temps, je souhaiterais aussi, tous les 15 jours, avoir un épisode solo où je parlerai, moi, sur des sujets. Ce qu'il y a de chouette dans les podcasts, c'est qu'on a cette liberté de parler... on peut faire communiquer plein d'idées, plein de voilà de sujets qui me parlent, toujours autour des sujets d'entreprendre sa vie, de l'entrepreneuriat au féminin, le fait de gagner en confiance, en liberté, voilà, de pas avoir peur de se mettre en lumière, en avant, parce que c'est quand même un gros sujet autour de beaucoup de femmes, voilà. C'est clair. En cette peur-là. Voilà, la liberté, c'est sympa. Hein. Exactement. C'est pas moi qui te dirais le contraire. C'est vrai. Je pense qu'on a ce point commun. Voilà, donc ce podcast, Entreprendre sa vie, sur toutes les plateformes d'écoute, est disponible déjà avec le premier épisode avec Julie. Oui, alors donc là, on ne peut que conseiller d'aller l'écouter dès qu'il va sortir. Allez-y. Il est disponible, on peut l'écouter à n'importe quel moment de la journée. Ouais. Voilà. Bon, bah écoute, ça fait beaucoup de projets qui sont en train d'éclore là en ce mois d'avril. C'est ça. Hein je suppose que, comme tout projet, lorsque ça se concrétise, ça se matérialise, il y a une grosse phase de réflexion auparavant. Hein, on ne se lève pas comme ça du jour au lendemain et on n'arrive pas à le mettre en œuvre tout de suite. Non, donc ça mûrit pendant longtemps, on part sur une direction, dans une direction, puis après on en change. Mais là, c'est bien, tu es en phase... En phase finale, on va dire, oui, en tout cas. J'ai trouvé vraiment mon sujet. On est actuellement, au moment où on enregistre, on est le jeudi 9 avril. Donc voilà. Donc, c'est le tout début. C'est le tout début. Ouais. Donc, c'est vrai que ça a été plusieurs mois où j'ai pas mal réfléchi, même, je dirais même peut-être une année. Ça fait longtemps que je voulais faire un podcast, mais c'est vrai que, comme on le disait là, il faut trouver quand même un sujet principal, dynamique, une trajectoire à suivre. On ne peut pas parler de tout le temps. Moi, beaucoup de sujets m'intéressent, mais c'est vrai que là, le fait de trouver ce sujet-là, le fait d'entreprendre sa vie, me parlait beaucoup et me donnait la liberté de donner la parole à plusieurs femmes qui ont des business complètement différents, ou même des projets, pas forcément un projet entrepreneurial rémunérateur, mais peut-être donner la parole à des femmes qui ont des projets, voilà, les mettre en lumière. C'est ça qui me booste, qui me donne cette dynamique et cette envie, moi aussi, d'entreprendre ma vie. Tout simplement. Tout simplement. Mais c'est bon de le préciser. Voilà. Bah, écoute, dans la mise en lumière, on s'y retrouve entièrement, hein, puisque ici, c'est pareil, dans les interviews à la radio, c'est pour mettre en lumière toutes les personnes qui ont une passion, qui se lancent, qui osent entreprendre, que ce soit du business, que ce soit des changements de vie, de prendre soin d'eux. Tous les sujets aussi divers que variés, il y en a déjà une panoplie dans la rubrique podcast. Mais bravo pour ça. Merci. Parce que c'est pas tout le monde qui ose. C'est vrai. C'est pour ça que je lance ce podcast et ce club. Pour donner plus envie d'oser. Il faut le déclic. Beaucoup de personnes ont un rêve, ou des rêves. Oui. Mais il faut le déclic pour le matérialiser, pour le faire démarrer, le faire vivre. Il faut le déclic et puis il faut aussi le travail de soi pour se détacher du regard des autres, quoi qu'il en coûte, y aller et foncer, quoi. Oui, parce qu'il y a toujours les bonnes âmes qui diront oui, c'est bien, et d'autres moins bonnes qui diront c'est nul, pourquoi tu vas là-dedans, voilà, et ça marchera pas. Et voilà. Donc, et c'est là où on a besoin de boost. Exactement. pour bien avancer. Bon, Oyana, merci beaucoup. Merci. Et puis, on ne manquera pas de suivre tes aventures. Avec grand plaisir. Le micro ici te reste ouvert si tu as envie de... En plus, quelqu'un qui aime faire des podcasts, forcément, n'est pas réfractaire à la radio. Non, du tout. Voilà. Ce sera un plaisir. C'était donc Oyana Etchar, et on la suivra dans sa nouvelle dynamique, dans sa nouvelle passion, sa passion qu'elle met à exécution. Voilà. Merci, Oyana. Merci beaucoup.